rencontrés un soir d'hiver, un soir où tu voyais double. Maintenant c'est toi et moi, le reste on s'en bat les couilles. T'as dit que si tu réussis, bah dans la vie on t'aime. Et t'as fait croire que parfois les corbeaux deviennent des hirondelles. Premier contact et rendez-vous, tout allait bien. Te voyais comme un prince alors qu'au fond tu ne valais rien. Fais-moi confiance, je suis une rose chérie, pas les orties. Allez rentrer par la petite porte, mais n'en est jamais sorti. T'as tout appris et même te comporter comme un homme. Et t'as dit, si tu m'aimes pas comme je t'aime, bah j'irai voir un autre. Mais n'hésite pas, bats ton frère s'il est faux. Parce que je t'aime comme pas permis, je te couvrirai s'il le faut. Je suis ta femme, je suis ta fiancée, ta compagne. Dis-moi la vie et ta combat, tu veux y aller, je t'accompagne. Et chérie, ne t'inquiète pas, ensemble on peut se passer de gloire. Mes sentiments pour toi ne s'achètent pas sur le marché noir. Pour elle t'aurais pu tout quitter, t'aurais même pu ranger ton arme. Et t'as bien fait de pas le faire, puisqu'elle a rangé ton âme. Putain de vie, t'étais perdu, t'as pris le train sans but. T'as dit t'inquiète maintenant, je suis là, y'a pas de fin sans lutte. Désolé que tu la prennes, mais pour qu'elle t'aime, faut que tu la payes. T'as pas les lobes, elle répond plus quand tu l'appelles. Bah ouais mon frère, elle veut que les fonds se travestissent en épargne. Que tu l'emmènes à Marbella, elle veut que t'investisses en Espagne. Chaque soir elle dit arrête de parler mais agis. Et ça te rend fou quand on jack des sur ta putain de messagerie. Ouais elle te kiffe car tu fais partie du milieu. Tu vas te refaire bébé, c'est ce qu'elle t'a dit lorsque t'as perdu 20 000 E. Et mon frère autour d'elle, bah les histoires sont tendues floues. Elle connaît même des joueurs de foot, ses ex elle les a rendus fous. Insultes et menaces, genre tu vas voir si tu me lâches. Tes potes sont plus tes potes car dans ta vie elle a pris trop de place. Tel un enfant lorsqu'elle dort seule, bah tu n'es pas confiant. Elle t'a dit hey, fais attention je me barre si tu n'es pas content. Courtisé du fin fond du 9-3 jusqu'à soin les pains. Sache une chose c'est que des mecs comme toi autour de moi j'en ai plein. Être mis dans des embrouilles vato, tu sais même pas pourquoi. Ta mère t'avait pourtant prévenu qu'elle ne serait jamais là pour toi. Et ça fait mal qu'en réalité tu le rêves. Tu penses à elle quand tu te couches, tu penses à elle quand tu te lèves. Elle dit que t'es grave et que tu fous rien à part traîner. Elle prend de la place dans la voiture comme si le gamin se lui appartenait. Elle t'a emmené dans des soirées où tu mettais pas les yep. Qu'on trop souvent finit par des coups de crosse, des balayettes. Elle est courtise et elle le sait, se compare à trop de stars. Et toi évidemment t'as peur de la perdre à chaque contrôle des stars. Elle t'a fait croire qu'elle serait là pour toi si t'as besoin d'elle. Et tes potes t'ont prévenu des conséquences si tu ne prends pas soin d'elle. Lui a demandé si elle suivrait demain si tu quittais tout. Moi tout quitter pour toi mais wesh tu crois t'es qui t'es fou. À cause de ton vice et ton amour t'as perdu la raison. T'as fini par comprendre quand la prison est devenue ta maison.